Don't Stop Till You Get Enough. Ce fut en 1979 le sublime conseil de l'immortel Michael Jackson, qui repose en paix désormais. T'as de la veine, tu le sais. Tu plaisantes? J'ai clamsé en un clin d'œil. J'ai même pas eu peur, l'idée ne m'a même pas effleuré. T'as eu une paix royale. Plus de responsabilité. Plus de soucis à te faire. Et plus de temps à tuer! Plus de mort à attendre. Bien. Après la sérénité céleste des morts, rejoignons maintenant le tohu-bohu des actualités du monde, puisqu'à 11h11, il est temps d'amorcer ensemble notre modeste péripétie laïque qui s'ouvre immédiatement par notre petite session freudienne. Et ce matin, en compagnie de M. Divan Beaujelet, nous allons essayer de décrypter la cacophonie de cette épineuse réforme des retraites. Ensuite, eh bien, libre à toi de te forger une opinion. Faut-il ou non allonger la durée des cotisations? Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. La fin de la retraite à 60 ans a donc sonné. Pas de panique, pas de panique. Parce que voilà, ça y est, c'est dit, le gouvernement va agir sur l'âge légal de départ à la retraite. C'est un triste jour. Hier soir, dans un entretien sur le site internet de Paris Match, Eric Woerth, le ministre du Travail, a fini par lâcher le morceau. Je croyais que c'était... J'en sais rien, moi, merde. Ce n'est que dans la deuxième quinzaine du mois de juin, en principe, que le gouvernement lèvera le voile sur ses intentions réelles. Bien, en fait, c'est pas très compliqué. Alors, en attendant, c'est l'UMP qui prépare l'opinion et qui nous annonce... Quelque chose comme... Le totem de la retraite à 60 ans va tomber. Ah non ! Moi, je suis pas d'accord ! Et ce matin, dans Les Échos, un sondage BVA, dans lequel 57% des Français sont contre ce report du départ à la retraite. Tu vois ce que ça veut dire ? Ah non, dis donc, je sais, explique-moi. Le président du Sénat, Gérard Larcher, l'invité de France Inter, autant vous donner la tonalité tout de suite, les auditeurs de France Inter, et vous allez pouvoir dialoguer avec eux, ne sont pas convaincus du tout. Allez-y Franco, faut vraiment pas vous gêner, lâchez-vous. Je travaille encore aujourd'hui, j'ai 76 ans, pour pouvoir avoir une vie correcte. Et donc je peux vous dire que travailler jusqu'à 65 ans, c'est l'horreur. Vous êtes fatigué, vous avez beau être en bonne santé, mais être fatigué c'est une maladie, c'est comme si vous sortiez d'une grande maladie tellement vous êtes fatigué. Alors voilà. Nous sommes fatigués, disait cette éditrice. Cette fatigue-là du travail. Je vois aussi des gens qui désireraient travailler au-delà de 55 ans et qu'on met en pré-retraite. Ça n'a rien à voir. Mais d'abord, je comprends parfaitement ce qu'est la pénibilité au travail parce que je l'ai vécu. Sans déconner. Je suis pas venu pour étudier des salades. Alors. Bonjour François Chérec. Bonjour. Hey, tu dois avoir pas mal de problèmes. C'est rien de le dire. Actuellement, on est déjà dépassé par les 60 ans parce que l'âge de départ à la retraite est 61 ans et demi en moyenne. Mais ceux qui souhaitaient partir à 60 ans le faisaient avec une décote. Ah, cela consiste en quoi? Se le payer. C'était pas gratuit. Ils se le payaient. Maintenant, la décote sera de 65 ans. Et gros problème. Avant, on avait la possibilité de partir sans décote à 65 ans. Mais le gouvernement va le déplacer à 67 ans. Je viens de faire une découverte qui me désole. Bah oui, parce que les deux bornes vont se décaler en même temps. Mais ça, on le dit pas. C'est sûr pour la deuxième borne? Attendez. Bon, ça va, on n'a pas confiance en moi. Ah mais si, au contraire. C'est évident. On nous fait le coup depuis le début. Bah qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc. À 65 ans, ceux qui partaient sans décote, c'était ceux qui avaient des carrières précaires. C'était des femmes en majorité. Vous entendez, c'était des femmes parce qu'elles sont arrêtées pour élever leurs enfants, parce qu'elles ont eu des emplois précaires ou des emplois à temps partiel. Et ben, ces personnes-là, elles partiront ou à 65 ans avec décote ou elles partiront à 67 ans. Comment voulez-vous que je vous aide? Pour l'instant, les Français suivent. Beaucoup de personnes ce matin dans les cortèges marseillais, niçois ou encore nantais. La CGT et la CFDT espèrent dépasser le million de manifestants. Ça aurait pu être pire, il pourrait pleuvoir. Le mauvais temps n'a pas dissuadé les manifestants de se mobiliser contre la réforme des retraites. François Chérec, pour la CFDT, veut croire que la journée de mobilisation, annoncée comme une journée test, est un succès. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Parfois, lorsque tu souffres d'une dent, la douleur est à la racine, invisible, sournoise et inaccessible car planquée dans la gencive. Un mal endémique, identique à la crise économique que nous traversons. Mais alors, qui est à la racine du mal? Eh bien, il n'est pas impossible que l'homme d'affaires Rupert Murdoch soit une bactérie bucco-dentaire. Ce type assez méconnu, est né à Melbourne, en Australie, le 11 mars 1931. Et depuis un demi-siècle, il est au cœur d'un système tentaculaire qui ne cesse de proliférer. En 1968, pour faire un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars, il fallait prendre les 6000 premières sociétés du monde. En 1978, elles n'étaient plus que 50. Aujourd'hui, elles sont 30. Demain, elles seront 5, peut-être. Et à la limite, pourquoi pas une ? News Corporation. S'il ne doit en rester qu'une, ce sera celle-là. La firme de Rupert Murdoch. Imagine que chaque jour, sans le savoir, tu croises son empire médiatique. Il possède aujourd'hui 175 journaux à travers le monde, dont le Wall Street Journal ou le Times. Il détient également 28 chaînes de télévision, dont Fox News, mais aussi des studios de cinéma hollywoodiens, dont la Paramount et la Century Fox. Autrement dit, lorsque tu vas voir le film Avatar, il récupère ton pognon. Adolescent, il fut un élève de l'université d'Oxford en Angleterre où il étudia la philosophie, la politique et l'économie. Mais il fut surtout coaché par son daron, patron d'un journal local en Australie. Au moins une fois dans sa vie, chaque homme est un génie. Il y a quelque chose que je peux te dire, Rupert, c'est que ce sera plus d'une fois dans ta vie à toi. Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois parce que c'est super. Ce que je viens d'entendre, je te le dis, super. Tu tiens le super truc. Et tu n'as même pas à essayer de faire autre chose. Non, non, Coco. Ton truc, c'est du bronze. Un mec a dit un truc extrêmement profond il y a plusieurs années. Oui, je touche les droits depuis. Tant que ça ne casse pas, on ne répare pas. Et si tu veux savoir comment, je sais que c'est très bon. Oui. Eh bien, c'est parce que je t'envie. Je te déteste, mon vieux. Si tu savais comme je t'envie parce que tu donnes ta pureté. C'est merveilleux. C'est de l'humain basé sur ta propre vie. Personne d'autre ne peut le faire que toi. Je ne te mentirai pas. Tu sais très bien que je ne te mentirai pas, Rupert. Mais alors, quel est ce truc que Rupert Murdoch a mis au point pour amorcer son irrésistible ascension? Eh bien, après la mort de son père, le jeune Murdoch reprit la direction du canard local paternel, mais avec une toute autre stratégie, puisque désormais dans son bureau, il affiche au mur quelques dizaines de photos. Oh, c'est marrant ce mur. C'est qui tous ces gens? C'est des amis à vous? Pas du tout. Non. Je savais pas que vous intéressiez à la photo. J'en ai rien à secouer de la photo. Si je les ai mises là, c'est pour que je n'oublie jamais à qui je m'adresse. Là, c'est mon cœur de cible. D'ailleurs, séparément, ces gens-là n'ont aucun intérêt. Moi, je dois prendre en considération les masses. Les masses expriment des désirs et moi, je dois faire des émissions qui correspondent à leurs désirs. Vous comprenez ce que je vous dis ou vous faites semblant? Non, non, bien sûr, c'est très clair, je comprends. C'est la masse qui parle. Une personne en particulier, on s'en fout. La vieille, là, on s'en fout. Oui, à la fin des années 50, Rupert Murdoch applique les recettes mises au point à la fin du 19e siècle par un vicomte anglais, Sir Northcliffe. Il s'agissait de racheter des journaux au bord de la faillite, puis de les transformer en torchons destinés à abrutir les masses populaires. Ce fut la naissance des tabloïds. En 30 ans, le succès de Rupert Murdoch fut immense, à tel point qu'au cœur des années 80, sa fortune lui permit d'acheter des chaînes de télévision avec la ferme intention, là aussi, de changer la donne. Par exemple, lorsqu'en 1985, des conflits intérieurs éclatent au Guatemala, Rupert Murdoch intervient auprès de ses journalistes télé afin de leur expliquer deux ou trois trucs. Bon, messieurs, autre chose? Le soulèvement au Guatemala, oui. 2800 victimes. Là, mais on s'en fout du Guatemala. Ah, pardon, ce continent est à feu et à sang, une véritable poudrière. Je pense que le public a probablement besoin d'être informé, en tout cas de comprendre. Alors, Bréa, pas d'explication de texte, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les gens veulent savoir, pas comprendre. Maintenant, si vous vous intéressez tellement au Guatemala, je vous le laisse pour le 23h, ça vous va? Je le prends. À l'époque, Pépère Murdoch ne voulait plus que ses journalistes explique les événements, mais plutôt qu'il relaie simplement l'information. Mais le danger fut encore bien plus grand 15 ans plus tard, lorsque Fox News, sa chaîne planétaire d'information en continu, a développé une curieuse déontologie journalistique afin de préparer au mieux le peuple américain à la seconde guerre d'Irak. Et tous les Américains vous suivent alors? Ah oui, à 87% pour l'instant. Pas mal. Oui, mais c'est pas assez. Il y a encore des consommateurs frileux. Eux, si on peut pas les convaincre, il faut les marginaliser en les culpabilisant. Ils sont pas comme les autres, ils puent, ils sont rouquins, démocrates, intello, peu importe, ils sont différents. Comme ça, la masse a l'impression d'être dans le vrai. Principe de base, le con a toujours raison parce qu'il est nombreux. C'est une campagne spéciale, donc, pour les consommateurs frileux. Voilà, oh, regarde. Vous êtes américain? Oui. Alors vous êtes pour la guerre en Irak? Non. Vous êtes pas américain alors? Bah si. Alors vous êtes pour la guerre en Irak? Non, non, non. Bah donc vous êtes pas américain? Mais si, je suis américain. Donc vous êtes pour la guerre en Irak? Mais non, puisque je vous dis que non. C'est ce que je dis, vous êtes pas américain. Si vous étiez américain, vous seriez pour la guerre en Irak. Bon, ok, c'est bon, je suis pour la guerre en Irak. Donc vous êtes américain. En Amérique, la guerre en Irak, c'est automatique. Alors, à l'aune de cette propagande belliciste au service de George Bush et des néoconservateurs américains, imagine maintenant ce que peuvent bien nous raconter aujourd'hui les milliers de journalistes à travers le monde au service de Rupert Murdoch lorsqu'il s'agit de nous expliquer les raisons de cette crise financière et surtout les moyens d'en sortir. Ça fout la trouille. Néanmoins, nous sommes impuissants devant cette tyrannie discrète orchestrée dans l'ombre par l'empereur Murdoch. N'avez-vous pas eu le temps de parcourir les gros titres d'aujourd'hui? La crise s'intensifie. Menace de guerre avec la Chine. L'Empire contre-attaquera. J'aime beaucoup ce dernier titre. Il n'est même pas de moi. Je ne crois jamais ce que je lis dans la presse, de toute façon. Ah, c'est là qu'est votre problème. Nous sommes des hommes d'action, mais votre époque est mourante. Les mots, voilà les armes nouvelles. Les satellites sont la nouvelle artillerie. Et vous êtes au stade suprême, le nouveau... le commandant. En effet! César avait ses légions, Napoléon sa grande armée. J'ai mes divisions. Télévision, info, magazine. D'ici minuit, j'aurai touché et influencé plus d'hommes et de femmes que quiconque dans l'histoire de cette planète, sauf Dieu lui-même. Il faut bien dire qu'on n'a pas fait mieux que le sermon sur la montagne. C'est bien là le pire des périls. La combinaison des deux éléments. Comprends bien, non seulement ce Rupert Murdoch pèse aujourd'hui 8 milliards de dollars en fortune personnelle, mais en plus et surtout, il contrôle les esprits par des messages insidieux et catastrophistes qu'il diffuse à longueur de journée dans la presse écrite, sur Internet, au cinéma ou à la télévision. Je suis partout. Et lorsqu'on lui reproche de truquer gravement la réalité du monde, le redoutable Murdoch joue les vierges effarouchées. Mais voyons, vous êtes sérieuse? Je me suis tapé vos informations de 18h. C'est du digeste racoleur. Vous accordez une minute et demie à une femme à poil sur un vélo à Central Park. Par contre, vous consacrez une minute à peine à la politique étrangère. Je n'ai vu que sexe, scandale, violence et sport. Enfants handicapés et chiens à sa mémère. Pour cette raison, je n'écouterai aucune de vos protestations quant à la déontologie du journalisme. Vous faites vous aussi de la retape dans la rue, comme les copains. Alors pas de faux fuyants. Tant qu'à racoler, racoler comme il faut. Vois-tu ? Ted Turner, mania philanthrope et fondateur de la chaîne CNN, dit très ouvertement de Rupert Murdoch qu'il est l'homme le plus dangereux au monde. Et il ajoute « Son charme est mortel. Vous nagez à côté de lui et, soudain, vous découvrez que l'eau est devenue rouge et qu'il vous a décapité. » Mais malheureusement, son pouvoir absolu est inébranlable. Et si Rupert Murdoch savait ce que nous venons de raconter ici sur lui, soyons certains qu'il s'esclafferait comme le diable, tant il nous trouverait ridicules et inoffensifs à son égard. Alors, que nous reste-t-il? Oh, pas grand-chose, peut-être la mémoire de Pierre Lazareff, journaliste, puis patron de presse et producteur d'émissions à la télévision française, qui, dès 1949, avait conscience des dangers pour l'information que portaient en eux les progrès technologiques. Pour nous autres journalistes, c'est la seule question qui se pose. Les moyens techniques se développent tout seuls. Nous n'avons pas à nous en inquiéter. Mais ce qui nous inquiète, c'est au service de quoi et de qui ils seront mis. Si c'est au service de la liberté ou du despotisme, de la vérité ou du mensonge. Tell you something, all that glitters ain't gold. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. Well, I need dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Well, I need dollar, dollar, dollar. That's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Come on, share your dollar with me. Go ahead, share your dollar with me. Come on, share your. I need a dollar. C'est le rappeur ricain Aloe Black qui a besoin d'un dollar. Car au pays de l'oncle Sam, avec un dollar, tu tiens entre tes mains le rêve américain. Alors imagine ce que tu pourrais faire avec 2000 dollars. Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 dollars? Oui, mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera. Le carillon du Mangin Palace nous indique qu'il est temps, à 11h27, de retrouver nos informations venues du lointain. Car hier, samedi 29 mai, nous avions le choix de fêter l'anniversaire de naissance de Mel B, éternelle Spice Girl, née en 1975, ou bien de Sébastien Grosjean, imbattable tennisman, né en 1978, ou enfin de Louise Michel, révolutionnaire s'il en est, né le 29 mai 1830. Bon, tu nous connais, on a évidemment choisi Mel B. Non, on déconne. Louise Michel, bien sûr. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque cette semaine, les voix des fantômes de la radiophonie française ont participé à un stage de formation révolutionnaire. Alors, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard Lhermitte, planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous avons suivi un stage de formation révolutionnaire. Et pour commencer, André Lorulot nous a exposé la vie exemplaire de notre modèle, Louise Michel. On l'appelait la bonne Louise, ou encore la Vierge Rouge. Dès sa jeunesse, elle participe au soulèvement de la Commune de Paris en 1871. Englobée dans une répression aussi maladroite que féroce, elle fut envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie. On se rappelle des 9 années qu'elle y passa, de son dévouement pour les indigènes. Elle a pris le canaq pour mieux fraterniser avec eux. Dès son retour en France, la Vierge Rouge reprend son action. Elle parcourt la France sans arrêt, exhortant les exploités à se défendre, leur montrant la nécessité de transformer la société, de renverser les institutions oppressives, de vaincre la tyrannie si lourde de l'exploitation inhumaine basée sur le pouvoir de l'argent. Deuxième leçon, apprendre à garder son sang-froid face à n'importe quelle provocation. Voilà une femme qui est au fond très conformiste, qui n'a pas le début de la moitié du quart d'une idée politique, et puis tout d'un coup elle se réveille révolutionnaire. Je ne veux surtout pas faire de sexisme. Dans Louise Michel, ce serait difficile. Est-ce que ce ne sont pas ses amours ? On a connu des filles qui, tout simplement, épousaient les idées, les enthousiasmes, les risques de l'homme dont elles étaient amoureuses. Mais après mûre réflexion, il fallait quand même passer à l'action. Bien que les révolutionnaires de l'époque aient eu des idées d'avant-garde, ils n'étaient pas favorables au vote des femmes, ce qui fait que les femmes étaient exclues. Il n'y avait aucune femme au Conseil de la Commune. Elle était de toutes les réunions, elle intervenait dans les réunions, mais tout de même, elle a très rapidement vu le côté nécessaire de la défense militaire, c'est-à-dire qu'elle a pris un fusil et qu'elle est allée sur les fortifications, elle a joué un rôle de garde nationale. Le quatrième exercice était plus poétique, alors c'est Victor Hugo qui s'y est collé. Et ceux qui, comme moi, te savent incapable de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu, qui savent que si l'on te disait d'où viens-tu, tu répondrais « Je viens de la nuit où l'on souffre. Oui, je sors du devoir dont vous faites un gouffre. » Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres. ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain, le lit de sangle avec la table de sapin, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta colère, ton long regard de haine à tous les inhumains et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains. Cela, femme, devant ta majesté farouche, méditer. Cinquièmement, savoir manier la plume aussi bien que les armes. On a beaucoup écrit sur Louise Michel, mais Louise Michel a elle aussi beaucoup écrit. Nous pourrions dire, reprenant Henri Barbus, qui a dit que nul poète, plus que celui-là, n'a proclamé que l'artiste a une mission sociale à remplir et que l'œuvre d'art doit être action. Elle a écrit contre l'Empire, pour la République, elle a écrit pour la Révolution, une révolution un peu à elle, dirais-je, n'est-ce pas, faite avant tout, non pas tellement de violence, mais plutôt de fraternité. Et on a terminé par un exercice pratique. Pour tester notre réactivité. Oui, alors il paraît qu'un GPS spécial femme a été créé, là. Oui, un GPS, et il est rose. Mais il est rose, oui. Et pourquoi? Pour se repérer dans la cuisine, hein? Tout droit à droite, hop, allez aux casseroles, à gauche, machine à laver. Bande de feignasses! Les fourneaux, la cuisine! Va laver mon slip, la femme perfide! Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette évocation pas commune de cette grande figure révolutionnaire qu'est Louise Michel. Mais pour nous, pas question de révolutionner nos habitudes, car il est temps maintenant de rejoindre nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros Boulet-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, puisqu'il est 11h33, l'état d'impatience est intense à Gros-Boules-les-Bains, où nous attendent nos deux héros, à savoir Jean-Claude le Pic et Monique la Nique. Car à Gros-Boules, comme un peu partout ailleurs, ce fut vendredi la fête des voisins. Très bien, mais rien de bien original. En revanche, hier, fut organisée à Gros-Boules une petite spécialité locale, le pique-nique du patron. Oui, c'est comme ça, sans doute un acquis social d'un temps où l'expression voulait encore dire quelque chose. Le dernier week-end du mois de mai, les patrons Gros-Boulets ont obligation d'organiser un pique-nique pour leurs salariés. Geste charitable et doucement paternaliste, me diras-tu. Eh bien, en période de crise, de chômage et de patrons tout-puissants, ce pique-nique devient une véritable épreuve pour les salariés et pour Jean-Claude en particulier. Il est hyper stressé, ce que Monique a bien du mal à comprendre. Quoi, mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est seulement un pique-nique, chérie. Un pique-nique organisé par mon patron. Tu vois pas que tu te montes un peu trop la tête? Non, non, je ne me monte pas la tête. S'il y a une chose que je sais, c'est qu'il faut faire bonne impression dès le début. Ça conditionne toute la suite de la relation professionnelle. Jean-Claude a parfaitement raison quant à l'importance de la première impression donnée. C'est pourquoi toute la famille a choisi avec soin et revêtu des tenues Saturday Sportwear, décontracté mes classes, afin de se rendre au pique-nique que le patron organise à l'orée des bois Gros-Boulets. On y est, les enfants, le paradis sur terre. Oh, tu parles, il y a écrit que les braconniers seront abattus. Ouvrez bien grand vos oreilles. Mon patron va participer à ce pique-nique, alors il va falloir montrer de l'amour et ou du respect à votre père. Le choix est difficile. Moi, je choisis le respect. Ravi de vous voir, content que vous ayez pu venir. Et... faites comme chez vous. Ouais, t'entends ça pas, tu vas pouvoir te balader en slip et rôter tant que tu... Maintenant, écoute-moi bien. Non, je félicitais mon fils qui a fait une plaisanterie très drôle sur son papa. Jean-Claude décide donc de surveiller avec grande attention son fils Rémi pendant tout ce pique-nique organisé par le patron. Tiens, d'ailleurs, Jean-Claude dit au gamin de se poser là dans un coin et de lire un bouquin afin de laisser les grands tranquilles qui, eux, suivent leur bien-aimé patron vers le lieu choisi pour les festivités champêtres. Oh, nom de Dieu, regardez-moi ça. C'est magnifique. Quelle majestuosité, c'est splendide. Regardez les genêts qui... C'est à toi, ça? T'es pas dans une décharge ici, vieux. T'es dans un site que tu dois traverser avec respect. Et le respect, c'est pas de déposer tes crasses un peu partout. Bon, alors écoutez-moi bien. On va faire un contrat tous ensemble. Tous les déchets doivent être conservés dans les sacs. Ok? Bon, contrat? Contrat? Pas entendu. Contrat? Contrat. Tu refais ça, je te pète la gueule. Eh oui, Jean-Claude doit comprendre que le code du travail a bien changé et que maintenant, le simple blâme a été remplacé par un bourre-pif patronal. C'est alors que la petite troupe des employés s'installe autour de leur boss pour ouvrir ce pique-nique. Où s'installe-t-on ? Eh bien, mais là où nous sommes, l'herbe est épaisse, l'ombre est propice. Eh bien, parfait. Si c'est propice, il n'y va profiter. Allez, alors tout le monde assis. Dites donc, maman, ça fait le sixième tranche de gigot que vous avalez. Si ça ne vous ennuie pas, je l'aime aussi. La moutarde, s'il vous plaît. Voilà, chère Pauline. Un cornichon. Volontiers. Et envoyez le poulet. Avec plaisir. Et passez-moi les radis. Et les saucissons. Moi, je mange, mais on ne boit pas souvent ici. Mais c'est pas vrai. Bon, je suis navré. On a oublié les verres. Mon Dieu, la belle affaire. On pique-nique, non? Alors chacun son flacon de rouge. Et au goulot. Allez, au goulot, les gars. Et chacun attaque au goulot les bouteilles de rouge de cet improbable pique-nique patronal. Une dégustation qui prend une drôle de tournure. Viens voir, viens goûter le vin là. C'est le 90. Une année exceptionnelle. Hein. Ouais, en Bordeaux comme en Bourgogne. D'ailleurs, il est où le Bourgogne? J'étais sûr qu'il en restait. Ah bon, t'es sûr? Je me souviens pas, moi. Enfin si, peut-être une bouteille ou deux. Oh, on veut goûter la vin. Ouais, t'en veux? Ah oui, génial. Ouais, oui, prends donc une verre. Pardon? Prends une verre et tape-toi la bouteille si tu veux. Ça va être clair. Non mais je veux qu'elle se sente à l'aise. Écoute, il y a aussi du salade. Tu peux rajouter de la sel et du moutarde si tu veux. Donc, tu nous laisses goûter le vin tranquillement, s'il te plaît? Vous avez trouvé du vin? Bordeaux 90, la dernière bouteille. Il est comment? Il est passé, hein. Il faut de l'eau. Elle est dégueulasse, tapinard. Il est dégueulasse, le vin, Piggy. Le Bourgogne était meilleur. Pourquoi il n'y en a plus? Bon, au moins, il y a du banga. Qui veut du banga? Allez, un peu de banga. Ce qui vient avec le banga, c'est que l'année, on s'en fout. Et voilà, c'est bonne ambiance dans ce pique-nique d'intégration où le banga, pourtant consommé avec modération, pousse à la petite confidence. Tiens, par exemple, quand Jean-Claude demande qu'on lui passe quelque chose pour glisser entre deux tranches de pain afin de construire un sandwich, ben Françoise, la nouvelle standardiste, est tout de suite à bloc. Vous voulez du jambon ? L'ennui avec le jambon, c'est que ça donne soif. Mon grand-père était officier de marine. Un jour, il a mangé de la cuisse d'homme. Ah bon ? Ils étaient perdus en mer, il n'y avait rien à manger, alors ils ont pris un blessé, hop. C'est bien le moment de raconter des histoires pareilles. Et il a trouvé ça bon ? Non. Faut dire, ils l'ont mangé cru. Je vais vous avouer une chose. Je déteste la jeunesse. Détester la jeunesse est un sentiment bien sûr très condamnable, mais partagé par certains parents qui se voient désarmés face à l'entêtement de leur rejeton. Et c'est le cas de Monique et Jean-Claude, désespérés par le peu d'efforts que consent leur fils Rémi pour faire honneur au pique-nique du patron. Le sandwich, maman. Mange-le ton sandwich. Oh non, coco, j'aime pas ça. Bon, te demande pas des meurs, te demande de le manger. T'es au grand air, t'es là, t'es bien, t'es en vacances, t'es au grand air, tu pourrais respirer, en profiter. Maman te fait des sandwichs. C'est du boudin. Eh ben, c'est du boudin. Là, tu préfères qu'on achète de la saucisse allemande, nom de Dieu? Bah oui. Oh ben non, mais... C'est le hot dog français. Et voilà. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Il pourrait être bien, il pourrait être au grand air, non? Faut qu'il dise. André Gide, qui c'est ça, ton André? Les nourritures terrestres. André Gide, c'est pas lui qui a eu des affaires de noces qui était pédéraste? Il lit des livres de pédéraste, mais oh non, d'un goût! Oh là là! Fini ton vin. Mais bonjour l'ambiance. Oui, bonjour l'ambiance. Si la jeunesse refuse d'être à la botte du patronat, c'est toute la société qui va être déstabilisée. Mais bon, on n'en est pas encore là. Bien loin même. Quoi qu'il en soit, tous les employés invités à ce pique-nique patronal ont tenu à transmettre aux enfants les bonnes manières pour savoir se comporter dans une telle situation. Et tout le monde a bien voulu exposer ce qui pouvait se dire ou pas, ce qui est classe, ou pas. Faire l'apologie du pique-nique. Ah, j'adore ce face-à-face avec la nature. Classe. En même temps, c'est tellement moins cher que le resto. Pas classe. Faire profiter la belle de son érudition. Ah, cette herbe, vous, moi, ça me fait penser au déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet. Classe. Ça me fait penser aussi à Deux chattes sur une nappe à carreaux de John Birou, tu l'as vu? Classe. Non, moi j'aime bien. croiser un verre de vin. Ce mouton Margot Château Le Peup, vous tente-t-il? Classe! Tenez. Oh merde! Oh la pute! Pardon! Pas tellement classe! Oh la tâche, on dirait que t'as des pertes! Pas du tout classe! Non mais si t'as tes menstrues, dis-le moi, hein! Pire que pas du tout classe! Bien. Après avoir pris conscience qu'il existe également des règles de bienséance lors d'un déjeuner sur l'herbe, il est temps dès à présent à 11h41, toujours en direct du Mangia Palace, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple est un vol sans violence, à savoir le larcin. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un peu plus d'une semaine, 5 chefs-d'œuvre ont été paisiblement dérobés en pleine nuit au musée d'art moderne de la ville de Paris. Un Picasso, un Matisse ou encore un Modigliani, la valeur du butin est estimée entre 100 et 500 millions d'euros. Alors, faut-il pour autant enfermer les œuvres d'art dans des coffres de verre ? Évidemment non. Pour un tableau de maître, le risque du vol peut être envisagé comme une rançon de la gloire. Ainsi, en compagnie de M. Nathaniel Herzberg, journaliste au Monde et auteur d'un livre fabuleux intitulé « Le musée invisible », découvrons ensemble, juste après la virgule, les subtilités de ces larcins artistiques qui laissent orpheline les cimaises. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot Wacht. Deux voyelles, quatre consonnes, larcin. Un larcin, c'est un petit vol, c'est un vol sans violence, c'est un vol généralement sans effraction, je crois. Cinq tableaux de maître, dont un Matisse et un Picasso, ont été subtilisés. Le préjudice est évalué à 100 millions d'euros. Donc là, évidemment, si je me reporte au vol qui a eu lieu au musée d'art moderne, on peut se dire qu'on est typiquement dans le vol sans violence, ça c'est sûr que là-dessus c'est très propre. Sans effraction, ça commence à être un peu moins le cas. Voilà, ils sont quand même rentrés en démontant une fenêtre. A priori, la fenêtre était censée être fermée. Donc je pense qu'on doit pouvoir considérer que c'est une effraction. Et un petit vol, c'est là que ça devient évidemment qu'on est dans le grand écart. En fait, le mec qui a peint ça, il n'a pas profité du fric que vaut son tableau aujourd'hui. Mais il a quand même gagné la notoriété. Partout dans le monde, on se souvient de lui. Et c'est ça qui compte, non ? Ce qui est assez amusant, c'est que finalement, dans larcin, il y a un côté anodin, il y a un côté enfant, il y a un côté jeu. Et c'est vrai que les vols d'œuvres d'art, on a tendance à les regarder comme un jeu assez drôle. On pense plutôt à Arsène Lupin qu'à un môme. Mais en même temps, on n'arrive pas à prendre ça tout à fait comme quelque chose de grave et de terrible, ne serait-ce que parce qu'on a l'image sans doute du voleur amoureux d'art qui va les regarder chez lui tout seul et qui ne va pas les monnayer. Évidemment, la réalité, elle est un peu différente. La plupart du temps, les voleurs d'art, d'objets d'art, ce qui les intéresse, c'est quand même de pouvoir essayer de monnayer le prix de leur larcin. Dis-moi, on s'en débarrasse comment des tableaux ? Tout est organisé. Alec va à Amsterdam la semaine prochaine rencontrer un rustler. On verra ce qu'il propose. Mais ce qui est génial, c'est que pendant ce temps, en attendant d'en savoir plus, on reste tranquillement assis à regarder ces cons de flics merder lamentablement. Ouais. Je bois, c'est idée. On va bien se marier. Michael, un tableau religieux, tu sais ce que ça peut nous rapporter ? T'as une idée ? Parce que s'il est vraiment estimé à 30 millions. Ouais, y a pas de souci, on aura assez pour devenir riche. Quelle histoire vous préférez parmi celles que vous avez racontées dans votre livre ? J'aime bien l'histoire, par exemple, du dessin que Salvador Dali avait fait pour la prison de Rikers Island. Donc, l'histoire, c'est que la responsable du département de la justice de New York lui avait demandé de venir faire une conférence dans la prison de New York qui s'appelle Rikers Island. Convaincu qu'un maestro pareil, parlant de l'art, ça allait pouvoir apporter la rédemption aux détenus. Vous savez bien que l'art peut tout faire. Sauf que l'art, il n'empêche pas les intoxications alimentaires. Et le matin, Salvador Dali avait très très mal au ventre. Donc il s'est excusé. Il a dit, je ne peux pas prendre le bateau et aller de l'autre côté de l'Hudson pour faire ma conférence. Mais je vais vous faire un dessin. Et donc il a fait plus qu'un dessin. C'était pratiquement une toile. Et qu'il a décidé d'offrir aux détenus. Pas à l'administration, mais aux détenus. Et donc, il a été décidé que cette toile serait accrochée dans le réfectoire de la prison. Puis un jour, il y a eu un exercice d'incendie. Et pendant l'exercice d'incendie, le tableau a disparu. Plus exactement, On en a mis un faux à la place, mais c'était tellement mal fait qu'on s'en est très vite aperçu. Et l'enquête a montré que c'était deux sous-directeurs et deux gardiens de la prison qui avaient fait un faux exercice d'incendie pour pouvoir, une fausse alerte, pour pouvoir voler le tableau. Comme les histoires, même aux États-Unis, ne se terminent pas toujours bien, l'un des quatre responsables, ne parvenant pas à revendre le tableau et ayant peur de se faire prendre, l'a détruit. Donc ce dessin-là, on ne pourra plus jamais le voir. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Alors, après cette curieuse histoire d'un tableau de Salvador Dali volé dans une prison new-yorkaise, sache que le livre de Nathaniel Herzberg est truffé d'anecdotes incroyables et passionnantes sur des œuvres d'art dérobées et jamais retrouvées. Cela dit, certains chefs-d'œuvre escamotés finissent parfois par retrouver leur logis. Ce fut le cas de la Joconde. En 1911, même si le roi François Ier, qui l'avait achetée, n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse un jour sortir du Louvre. Ainsi donc la Joconde est au Louvre, c'est bien, nous interdisons désormais qu'elle en sorte. On la surveille et que l'on veille à toute porte. Il avait dit formellement qu'il ne voulait pas qu'elle en sorte. Elle en est cependant sortie 4 siècles plus tard. Un fou l'a prise un jour et il l'a emportée. Le lendemain, ce fut un affolement général et pendant quelques jours, les journaux ne parlèrent que de cela. Or, 12 mois plus tard, elle fut retrouvée et remise à sa place. Mais un phénomène extraordinaire s'était produit dans son absence. Elle eut bien plus de visiteurs qu'elle n'en avait eu pendant ses 400 ans de présence effective. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au teint si clair. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille des rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait à prendre des baigneurs, à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. J'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Pardonnant cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès qu'on revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce vieux mondaingre, sinon elle devenait malingre. Puis un beau jour j'en ai eu marre, c'était pique la mer à boire. Je l'ai refusé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur, j'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait leur plaire. Les filles du bord de mer sont celles que reluquait sur les plages de Belgique Salvatore Adamo en 1964. Tandis qu'aujourd'hui, les filles du bord de mer en Floride ont bien d'autres activités. Bon ben, c'est pas compliqué, hein. T'as une mouette, hein. T'écartes bien les ailes sur le côté, Hein, t'as une grosse bourre de coton, là. Bon, ben, hein, tu frottes. Allez, vas-y, frotte. Avec quoi? Un détergent à mouette. Eh bien, maintenant, il est 11h51 et nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Ah Philippe, la presse souligne cette semaine les difficultés pour instaurer un dialogue intergénérationnel. Commençons avec le magazine Point de vue, qui braque ses flashs au magnésium sur la principauté de Monaco. Et Point de vue fait un terrible coup bas à ce pauvre prince Albert, sans doute à l'occasion de la fête des mères. La vie privée d'Albert a longtemps fait jaser dans les chaumières monégasques, jusqu'à ce qu'apparaisse Charlène, avec qui le prince entretient une relation hors mariage. Et Point de vue nous annonce qu'une nouvelle étape a été franchie ce mois-ci. Charlène a assisté, pour la première fois, au Grand Prix de Formule 1 de Monaco, dans la tribune princière. Mm-hmm. C'est de l'événement. Et là, d'un coup, à l'idée que cette roturière puisse devenir un jour, comme ça, la princesse, dans la rédaction de Point de vue, le sang bleu n'a fait qu'un tour, ils se sont dit « on va foutre ce mariage en l'air ». Alors comme cette semaine, ils ont lu le bouquin de Michel Onfray qui conchit Freud et le complexe d'Oedipe, ils ont balancé un énorme article où Charlène est en tout point comparée à Grace Kelly. Bah oui. Eh oui, même coupe de cheveux. Même style de robe, même pendentif aux oreilles percées, alors que le prince Albert, lui, n'a rien de percé, enfin, je crois. Enfin, bon. Et oh, c'est hyper glauque, hein. Comparaison des photos de la mère et de la compagne qui ne disent rien d'autre que « Albert, ta meuf, c'est ta mère bah ». Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Bon, Point de vue, c'est combien la vie d'héritier d'une maison souveraine est difficile. Le magazine du Gotha à paillettes sur papier glacé, avec tout ce que l'aristocratie compte de plus ringard et de fin de race, offre une interview exclusive du comte de Paris, Henri d'Orléans, chef de la maison de France, celui qui serait Nicolas Sarkozy si nous n'étions pas en République. Bon, Philippe, la vie est compliquée pour le comte de Paris. Bon, il y a du top, il est amoureux, il vient de se remarier, il est tout foufou comme ça. Mais Pépère s'est embrouillé avec son fils, Jean, duc de Vendôme, pour une sombre histoire de succession au trône. Il faut quand même se rappeler la figure frappadingue de l'ancien comte de Paris. Oui. Et là, c'est les boules, hein. C'est les boules parce que le duc de Vendôme vient d'avoir un môme qu'il a appelé Gaston. Bon, pour ma part, je l'aurais appelé Flipper. C'est mieux convenu. Et le comte de Paris, pourtant le grand-père, n'a pas été invité au baptême. C'est le drame. Ils n'arrivent plus à communiquer. Ils n'arrivent plus à communiquer. Alors, Point de vue s'inquiète, hein, et pose la question au comte de Paris. Les coups durs ne vous ont pas épargné. Vous semblez traverser tout cela avec beaucoup de recul. C'est la sagesse qui est venue avec l'âge. Philippe, c'est ce qui répond, hein, Riton d'Orléans. Je vous confie mon secret. Je me suis remis à fumer. Oh, j'étais énervé, une clope par-ci, une clope par-là. Oh là là, c'est pas simple d'être chef de la maison de France. Voilà, c'est quand tu m'étonnes. Ouais, ça se termine comme ça l'interview. Oui, alors, bon, c'est vrai que même sans trône, ce n'est pas facile. Et puis, quand on a été sur le trône, il faut s'attendre à des attaques sous la ceinture de la part de ses successeurs, président Mitterrand et Chirac en savent quelque chose. Bon, à la décharge présidentielle, le dialogue intergénérationnel n'est pas simple. Libération de vendredi nous apprend que pour cela, le gouvernement a lancé le WACA. Le WACA ? Le WACA, je vous explique. Le WACA est un site internet hébergé par Skyrock, un skyblog, quoi, une plateforme qui fait fureur chez les collégiens et chez les lycéens qui n'ont pas encore mûri. Car pour parler aux jeunes, l'UMP n'a rien trouvé de mieux que de lancer ce WACA. WACA. Qui signifie canoë en maori. Ce WACA va t'aider à naviguer dans la vie, nous disent-ils. Ouais, ok. Mais Libé, rappelle, ça veut dire aussi galère. WACA. Enfin bon, l'UMP s'adresse aux visiteurs de son WACA en demandant « Ouais, salut, tu cherches un taf ? Ouais, ça craint parfois dans ton bahut ?» Alors, pour le sociologue Michel Fies, ce langage est, je cite, « un foutage de gueule, c'est grossier envers les jeunes, c'est grotesque ». Pour ma part, je rajouterais « et ridiculement drôle ». Oui. Ah, c'est énorme. Alors, que trouve-t-on dans ce WACA ? Par exemple, dans la rubrique « ressources », il y a un méli-mélo de liens utiles avec l'immanquable canicule infoservice. Pour les ados, super important. On a surtout plein de petits sondages du genre « Ah ouais, si t'avais une baguette magique, tu demanderais quoi ?» Parmi les choix proposés, des frites. Voilà, c'était très très UMP. Ou encore à propos du racket à l'école, une fabuleuse question pondue par ces messieurs de l'UMP déguisés en jeunes. La gendarmerie est présente près de ton bahut. Ça te rassure ? Voilà. Alors, bon, se faire passer pour un ado, pour contacter d'autres ados, même avec une intention louable, oula, c'est discutable. Hein. D'autant que Libération nous apprend que l'ensemble de cette opération a coûté 2 millions d'euros. Alors, pour moi, ce perso, hein, elle reflète surtout le mépris crasse pour une partie de la jeunesse à qui l'on parle mal. Jamais ces gens-là ne parleraient comme ça à leur môme. Bien sûr. Et jamais ils n'accepteraient non plus qu'on leur supprime des cours d'histoire ou de maths afin qu'ils aillent faire du sport toute l'après-midi. Oui. Ça, c'est juste bon pour une partie de la jeunesse. Alors, Philippe, pour conclure, je ne dirais qu'une chose. C'est quand même moins terrible que de se faire happer par une machine à saucisse. Oui, ça n'a aucun rapport. Je voulais vous en parler, c'est arrivé à un ouvrier à Denver, aux States. Il a été aspiré par le cylindre d'un mélangeur industriel, d'où les pompiers l'ont extirpé indemne. Voilà, happé par une machine à saucisses, on peut en sortir indemne, alors que du waka, c'est pas sûr. Merci beaucoup, Monsieur Mauduit. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 207e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mange un Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Au platine et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Cédric Lalanne et de Pascal Baldassari. Merci beaucoup à vous deux. C'était parfait comme d'habitude. Et pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie vivement. Merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires et à Alice Robinet, notre nouvelle stagiaire, ainsi qu'au documentaliste de l'INA. Et puis, je vous rappelle, chers amis, que dimanche prochain, nous serons en direct d'Annecy de 11h à midi. Nous vous attendons très nombreux. Venez tous au musée Château d'Annecy, on mettra le feu au lac. Vous trouverez sur notre site internet toutes les indications pour venir jusqu'à nous. Et nous sommes très heureux de venir à nouveau à votre rencontre. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et son crumble. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain, bien sûr, à Annecy. Mais avant cela, rendez-vous samedi dans notre cellule de dégrisement, toujours à 11h sur France Inter, avec quelques aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, bien sûr. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.